come loose, come again, rock the peace, part of it, you be so much so instrumental. So tell them, yeah. The original come loose in the basement, yo. The original Jimmy's in the basement, yo. Love all over you, love all over you. Dans quel type de femme tu te classes? Qu'est-ce qui te frappe devant cette glace? Tu te sens fier de toi ou t'as envie de te voiler la face? Est-ce que t'es classe ou tu veux juste tes pattes et la masse? Est-ce que t'es sans ça ou tu fais partie de celle qu'on ramasse? Ces femmes ont mal à l'aise au plus qu'aucun épuise. Tu te dis jeune woman qui fume le spliff, enchaîne la tige. Est-ce que tu tends la main, tu check le coin ou fais la bise? Femme dominante, une militante ou insoumise. Dis-moi, est-ce que ça te choque le style mini mini talon aiguille? Est-ce que ça te botte une star one chop direct au lit? Est-ce que t'es le style à mettre le com dans ma fuir devant les corps? Dans mon prendre la vie quand elle vient où tu ailles? Corps garde, c'est vrai t'as des armes. Avec tous ces atouts et ce charme, cette sensibilité qui donne tant de beauté dans vos larmes. Celles qui nous ont fait fondre et celles qui ont allumé ces flammes. Et s'il y a pas à dire, on a de vrais drôles de dames. Tout shooting, tu classes les mois que t'en dis. Si tu te sens plus meurt de l'eau, plus d'un jour. Monde et merveille, où est-ce que t'es plus militante pour les droits de la femme à la Simone Veil? Es-tu cette mère responsable qu'on adore tant? Celle pour qui l'amour d'un gosse est devenu le plus important? Crois-tu que t'es prête à épouser un vieux milliardaire? Prendre tout l'héritage et faire des affaires? Es-tu cette go prude, toi c'est le jour prête à fuir la nuit à faire des gangbangs à 33 avec tout l'attirail en cuir? Qui suit cette mode hippie, s'habille bizarrement? Des piercings, une bière et un berger allemand? S'il te plaît, qui peut dire que je mens? Que je mens? Non, si moi je fais du cas par cas et j'essaie de comprendre exactement. Class team was good. Avoir un cum et chauffer ses potes, c'est genre je fous la merde après j'ai la trouille. Dis-moi si t'es cette zoulette. Face en garçon, mangueur, monter les chaussettes, faire un chignon et mettre les survêtes. Alors dites-moi qui vous êtes. Dites-moi, je veux savoir si tu te respectes ou si t'as rien dans la tête. Est-ce que tu te vois dans Love Story ou Star Academy faire le singe à la télé et dire c'est la chance de ma vie? Est-ce que t'es fier de la construction de ton avenir? Est-ce que t'es fier de ce que cette petite fille va devenir? Est-ce que ce morceau te fait rire? Est-ce qu'il te fait réfléchir? Ta propre réponse pourra te décrire. Last team was good.